Ainsi se termine cette nuit spéciale, la nuit des dictionnaires, longue nuit, puisque nous avons changé d'horaire. Il va être 7h bientôt et vous avez pu entendre plusieurs émissions, bien entendu, plusieurs archives, belles lettres de l'utilité des dictionnaires, une émission de Robert Malek en 1956, Les Décraqués pour un dictionnaire différent de tous les autres, Tire ta langue, l'argot, une émission d'Olivier Germain-Thomas qui réunissait François Kardec et Jacques Sellard, un entretien avec Jérôme Robert venu nous parler du livre qu'il a consacré à son grand-père, Paul Robert, puis un Tire ta langue, quoi de neuf chez Gaffio de Simone Dweck, De bouche à oreille, émission de René Elkaïm-Bollinger qui recevait en 2005 Alain Chiffre pour le dictionnaire d'un omnivore. Nous avons reçu aussi Alain Pozzuoli venu nous parler de son dictionnaire de l'Irlande, puis un lieu de mémoire consacré au Petit Larousse et intégralement au Petit Larousse par Simone Dweck. Un entretien avec Gilles Lapouche venu, lui, pour son dictionnaire amoureux du Brésil. Et à l'instant, ce dialogue, faut-il brûler les dictionnaires? Roger Pillaudin avait réuni Paul Robert et Bernard Potier. C'est en votre compagnie, Sylvie Andreu et Jean Pruvot, que nous avons commencé la nuit, puisque vous êtes venu nous parler de ce livre « Cher Pierre Larousse, 26 lettres à Pierre Larousse, coordination Sylvie Andreu, Bernard Chauveau, édition. » Jean Pruvot, vous avez écrit « La Dent de Lion, la Semeuse et le Petit Larousse » chez Larousse, et puis aussi le « Dico » des dictionnaires. Histoire et anecdotes chez Lattès. Vous avez aussi préfacé le livre dont Jérôme Robert est venu nous parler. Vous êtes très éclectique. Vous êtes un Larousseien, Larousseolate. J'aime tout le dictionnaire. Vous aimez tous les dictionnaires. Vous nous avez dit, enfin, je vous ai fait dire, voilà, vous en aviez plusieurs 10 000, milliers. Oui, c'est vrai, un peu plus maintenant. Un peu plus de 10 000. Il y en a quelques-uns de plus. Est-ce qu'il y a des mots dans le dictionnaire qui vous plaisent plus que d'autres parce qu'ils ont disparu, parce qu'ils reviennent, parce qu'ils ont changé de sens? Qui ont disparu, comme compotation, par exemple. Compotation. Dire le bon repas que faisaient ensemble le professeur et les élèves en fin d'année au Moyen-Âge, donc ça je trouve ça très beau. Puis après dans Larousse, comme je sais qu'il aimait beaucoup tout ce qui concernait la gastronomie, parfois dans les exemples on trouve le lagopède, alors la chair du lagopède est délicate, moi je trouve ça délicieux, ou tout simplement alors nostalgie. C'est quoi le lagopède? Alors je sais pas, parce que en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi, j'en ne mange pas, mais le mot me plaît, donc oui. J'utilise le mot lagopède. Et alors nostalgie, les Suisses sont très sujets à la nostalgie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne manque pas de charme. Donc il y a toutes les idées reçues, mais tous les charmes de toutes les époques dans le dictionnaire du 19e siècle. Et puis on a dit aussi, il faut répéter. Les exemples, en fait, souvent. Parler, le français se parle partout. Bon, hélas, ce n'est plus très vrai, mais. C'était vrai. C'était vrai, ou on croyait que c'était vrai. Et puis il faut évidemment signaler la parution du Petit Larousse illustré, l'édition 2018, l'édition du bicentenaire, puisqu'on l'a dit en tout début de nuit, Pierre Larousse a célébré son bicentenaire cette semaine. Voilà, il aurait eu 200 ans le 23 octobre de cette année. Alors moi j'ai un mot à Sylvain dire, c'est le mot d'Anjaillé, là je l'extrais de la lettre des collégiennes Toussy. Quel dommage que tu n'aies pas connu Internet, tu te serais bien enjaillé. Alors Anjaillé s'est inspiré de l'argot ivoirien, là quand même, et c'est dans le Larousse, et je lis Anjaillé, action de s'amuser, de prendre du bon temps. Voilà Philippe, ce soir, en tout cas cette nuit, on va s'enjailler la France Culture. C'est aujourd'hui qu'on va s'enjailler, puisque nous sommes le matin, et que cette nuit spéciale des dictionnaires est terminée. Philippe Garbi, Youtou Diego, Hack Lopez, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, bien, très bonne journée à toutes et à tous, et évidemment toute cette nuit et toutes les émissions, archives et entretiens sont à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique les nuits de France Culture. Merci, très bonne journée donc à toutes et à tous. Merci.